Bonsoir, bonsoir, y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman. Un chou je n'ai plus un chou comme on disait dans le temps. Y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman. Les choux qu'on achète des choux mais ça n'est plus de l'argent. Y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman. Un chou ça n'est plus un chou comme on disait dans le temps. Y'a plus de chou papa, y'a plus de chou maman. Les choux qu'on achète des choux mais ça n'est plus de l'argent. Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher les petits voyages en Suisse. Thank you.

The programs you hear on KFAI are created by volunteers with support from thousands of KFAI members across the Twin Cities. Become a member and pledge your allegiance to KFAI 612-375-9030. 612-375-9030. Online at kfai.org. Now we're going to listen to Dalida, and the name of the song is Si j'avais des millions, if I had millions, and what you would do with it. Then we're going to listen to Les Sales Majestés with Sois pauvre et tais-toi, be poor and be quiet, and Vaudou Game with Tata Fatigué, our aunt is tired because she works a lot. Galère, tous les jours on galère.

and Voodoo Game with Tata Fatigué. Support for KFAI comes from Crooner Supper Club, presenting Bruce A. Henry Friday, September 26th. It will be an evening of soulful jazz when Bruce Henry takes the Crooner stage. Bruce will perform original music, fan favorites, and new twists on old standards. Bruce's three-octave vocals will be backed by Omar Abdulkarim on trumpet, Jeff Bailey on bass, Daryl Bordeaux on percussion, Dave Filey on guitar, Kavi Kavaraj on keys, Kevin Washington on drums, and Pete Whitman on sax. More information about Bruce Henry at Crooner's Supper Club is available at croonersmn.com. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, kfai.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on Donate. Now we're going to listen to Joyce Jonathan with Rouler sur l'or, Rolling on Gold, then William Scheller with Rock and Roll Dollars, and Patricia Cass with Regarde les riches, Look at the Rich People. pleurer ma bleue sur l'argent qui vaut plus un clou. Arrête de dire que t'es toute seule. Ici c'est chacun pour sa gueule. Arrête de rêver que tu déprimes. C'est vrai que tu débordes ton jean. Autour de toi, tout le monde s'en fout. Arrête de pleurer, ma bleue. Regarde les riches, ils sont coiffés comme leur caniche. Regarde les riches, ils roulent en rôle sur la corniche. Regarde les riches, ils ne parlent pas l'anglais mais l'anglish. Regarde les riches, l'important c'est tout ce qu'ils affichent. Les riches, arrête de chanter, ma bleue. Retourner bosser lundi. Toi de bouse à toi, tout le monde s'en fout. Arrête de chanter, babble. Regarde les riches, tout ce que tu aimes, ils trouvent ça kitsch. Regarde les riches, ils boivent leur café à la nuit. Regarde les riches, ils font de l'argent mais pas l'artiche. Regarde les riches, was Joyce Jonathan with Rouler sur l'or, then William Scheller with Rock and Roll Dollars, Patricia Cass with Regarde les riches. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on donate. Now we're going to listen to Patrick Sébastien with On voudrait des sous, we want money. Then Damien Saez with On n'a pas la thune, we don't have the dough or the money. And then Raga Sonic with No money, no friend. Vous n'êtes jamais content, disait le politicien. Vous n'êtes jamais content, on fait tout pour votre bien. Vous n'êtes jamais content, vous ne pensez qu'à râler. Vous n'êtes jamais content, à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Pas grand-chose en vérité, pas grand-chose. Une seule chose en vérité, une seule chose. On voudrait des sous pour acheter des frites. On voudrait des sous pour aller danser. Pour aller danser, il faudrait très vite. On voudrait des sous pour aller danser, pour aller danser, pour qu'on se découvre. On voudrait des sous pour les dépenser. n'êtes jamais content. Mais de quoi vous plaignez-vous? Vous n'êtes jamais content, nous, on se plaint pas du tout. Vous n'êtes jamais content, nous, ne pensez qu'à gueuler. Vous n'êtes jamais content, à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Pas grand-chose en vérité, pas grand-chose. Une seule chose en vérité, une seule chose. On voudrait des sous pour acheter des frites. On voudrait des sous pour aller danser. Ça qu'à danser. Nous besoin l'argent pour acheter banane. Nous besoin l'argent pour bien biguiner. Pour bien biguiner. Pour sortir madame. Nous besoin l'argent pour bien profiter. Nous besoin l'argent pour acheter papaye. Nous besoin d'argent pour aller zouker, pour aller zouker. Nous besoin de travail pour gagner l'argent et bien profiter. On voulait des sous pour acheter des frites. On voudrait des sous pour aller danser, pour aller danser. Il faudrait très vite qu'on nous donne des sous pour les dépenser. On voudrait des sous pour acheter des.

Now we're going to listen to Tufan with Money, then Richard Gottener with My Cash Pepet, and Desireless with L'Or du Rhin. And L'Or du Rhin means the gold of the Rhine, like the river in Germany. I say money, every day take out my money, every day run out some money, do what they do it for money. C'est jour de fête, oh, parce qu'il y a trop d'argent. Ah, j'ai dit go-go, follow me go-home, parce qu'il y a trop d'argent. Même si je t'aime, barra style, à cause de mon argent. Ah, MD Master, tu es fancy, à cause de mon argent. Hey, tout le monde est tranquille. Parce que j'ai pas d'argent. Et dans le quartier, je suis la peste. Parce que j'ai pas d'argent. Ah, quand je parle, sans un mot, mais parce que j'ai pas d'argent. Ah, chérie Gogo, tu veux me quitter. Parce que j'ai plus d'argent. Ah, elle me dit, mais sur la marmite est vide. Faut donner l'argent. Every day, money no day. Anytime, money no day. Mama is tired. Go to your dad. glacée. Oh, oh, oh. J'en suis avare, je couche à côté. Oh, oh, oh. Je prends ma fortune à bras le corps. Oh, oh, oh. Je la respire et je m'endors. Et je m'endors. J'ai bu un flèche. Sans anneau d'unibellum, par la force libre, sans convoitise, de ta lame sans peur que l'on nomme nos doums. Les adieux que sans loi se scelle notre hymen, par la joie, le feu pur, sans stratagème, que nos cœurs amoureux traversent toutes les plaines et les 130 ponts. Grand Danube bleu. Non, non, pour tout l'or du Rhin, mon amour, je ne veux rien, rien de rien. Non, pour tout l'or du Rhin, ni pouvoir ni mensonge, juste ta noble main. It was Too Far with Money, then Richard Gottener with My Cash Puppet, and Desireless with L'Or du Rhin. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. As regard to the upcoming events, feel free to go on our Facebook page for Bonjour Minnesota and look at the events. And we typically save as the events that are interesting or connected to the French community. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on Donate. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. When you were young, where did you find out about cool new music? Your friends, music videos, music magazines, or newspapers. What about radio? Remember driving down the road and hearing that amazing song you never heard before? It was like finding buried treasure. Now we have algorithms that think they know you better than you know yourself. Are you dancing to AI's tunes? At KFAI, our programs are handcrafted by volunteers. People just like you, that love bringing you that hidden music you won't find anywhere else. So go to kfai.org during the fall member drive and click donate to support non-commercial, community-powered Treasure Trove Radio. Now we're going to listen to Lorne A. Ilias with L'Or, or the Gold, then Ménélik with Liquide, and the Liquide in French is the liquid, but it's also the cash. And then Georges Brassens with Les Croquants, and Les Croquants are poor people. Sur scène, j'aimerais t'y voir. J'suis dans la tour, hey, pas celle d'ivoire. J'suis dans la tour, celle qui trace tout droit. Très peu de doute, jamais j'y vague, jamais j'y. Jamais, jamais j'y. Toujours absent des statistiques. Des non, en quantité infinitésimale. J'm'immisce dans ton vocer, mon ro. Rajoute des basses, rajoute des zéros, rajoute des uns, rajoute-en, j'en veux plein. Puis creuser jusqu'à trouver de l'or, en avoir plein les mains. Rajoute des zéros, rajoute des uns, rajoute-en, j'en veux plein. Puis creuser jusqu'à trouver de l'or, en avoir plein les mains. Tu sais que je me sens mieux dans la nuit. Hello, quand je rappe autour, tout s'efface. Jamais je suis là, sauf c'est pour les racks. Money back, tu connais le price. Tu sais que je me sens mieux dans la nuit. Hello, quand je rappe autour, tout s'efface. Jamais je suis là, sauf c'est pour les racks. Money back, tu connais le price. Sans câble on connecte, on avance en mute comme des loups. Tu sais dans la life on est low key, la dégaine de Cobain et le grain de voix vient de l'ombre. Mon gars va jamais un rookie, vision rouge, un nom veut le Graal. Y'aura pas de table ronde, nous on veut tout. Les dollars, les yens et les euros en boucle. Rajoute des zéros, rajoute des uns, rajoute-en, j'en veux plein. J'ai creusé jusqu'à trouver de l'or, en avoir plein les mains. Rajoute des zéros, rajoute des uns, rajoute-en, j'en veux plein. J'ai creusé jusqu'à trouver de l'or, en avoir plein les mains. Choqué par la teneur de mon dernier texto, le gars s'émeut car je ose réclamer mon liquide. Que l'enflure se dise mon pote, que je l'appelle et qu'il ne réponde pas. Y'a bien des chances pour que ce soit lié au liquide. On le décline en euros, yens, dollars, jamais en CFA. Bien peu sont passés maîtres dans l'art de toujours paraître liquide. C'est quand même marrant comme l'allégorie de Vinom. Ce qui cause peine au quotidien brûle comme un acide liquide. Et un parcours parsemé de faux pas, semé de plein de choses qu'il faut pas. La foule pige pas, dans l'arnaque le pigeon est toujours liquide. Le système se débrouille pour que les mêmes gagnent. Sinon ça part en couille, je te le dis ma couille. Tu sais bien au final qui sera liquide. J'ai longtemps cru au mérite, un drame de l'école, j'étais resté big fan.

It was Charlie Couture with The Temps, L'Argent et Le Vent. Then Enrico Macias with The Mendiant de l'Amour. And Les Respectables with L'Argent fait le Bonheur. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, KFAI.org, streaming worldwide, or 90.3 FM in the Twin Cities. Keep on listening. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on donate. Now we're going to listen to the band called Les Parisiennes. And the name of the song is L'argent ne fait pas le bonheur. Money don't give happiness, but she's proving that it's wrong based on their experience. Then we're going to listen to Inage with L'argent. And then Angèle with La Thune, which is another way to talk about l'argent or le pognon. Qui scintille, oh mon amour chéri, vaut bien tout ce qui brille. Donne-moi mon cœur, compense mon ardeur. Moi qui sens pudeur, supporte ta laideur. Donne-moi tous tes sous, je te ferai mes guiches doux. Donne-moi toutes tes cartes bleues, je te sortirai le grand jeu. Donne-moi tous tes sous, je serai ton petit joujou. Donne-moi toutes tes cartes bleues, tu sais, le bonheur c'est onéreux. Chérie, je suis jeune et si jolie, mais ton corps tout gris est déjà tout flétri. Pense à moi mon cœur, quand arrivera ton heure, n'est-ce pas notre bonheur, courir avec tes fleurs. Alors donne-moi tous tes sous, avant qu'on mette dans le trou. Donne-moi toutes tes cartes bleues, tu peux m'aimer.